21 mai. Est-ce pour nous, Seigneur, que vous avez fait la nuit si profonde et si belle? Est-ce pour moi? L'air est tiède, et par ma fenêtre ouverte, la lune entre, et j'écoute le silence immense des cieux. Ô confuse adoration de la création tout entière, où fond mon cœur dans une extase sans parole? Je ne peux plus prier qu'éperdument. S'il est une limitation dans l'amour, elle n'est pas de vous, mon Dieu, mais des hommes. Pour coupable que mon amour paraisse aux yeux des hommes, oh, dites-moi qu'au vôtre, il est saint. Je tâche à m'élever au-dessus de l'idée de péché, mais le péché me semble intolérable, et je ne veux point abandonner le Christ. Non, je n'accepte pas de péché, aimant Gertrude. Je ne puis arracher cet amour de mon cœur qu'en arrachant mon cœur même, et pourquoi? Quand je ne l'aimerai pas déjà, je devrais l'aimer, par pitié pour elle. Ne plus l'aimer, ce serait la trahir. Elle a besoin de mon amour. Seigneur, je ne sais plus. Je ne sais plus que vous. Guidez-moi. Parfois il me paraît que je m'enfonce dans les ténèbres et que la vue qu'on va lui rendre m'est enlevée. Gertrude est entrée hier à la clinique de Lausanne, d'où elle ne doit sortir que dans 20 jours. J'attends son retour, avec une appréhension extrême. Martin doit nous la ramener. Elle m'a fait promettre de ne point chercher à la voir d'ici là. 22 mai. Lettre de Martin. L'opération a réussi. Dieu soit loué. 28 mai. Gertrude est de retour et elle est accueillie chaleureusement chez le pasteur. Puis, au lieu de retourner chez Mademoiselle Louise, elle tente de se suicider dans un canal tout proche. 29 mai. Son état de santé est très inquiétant quand le pasteur vient la retrouver chez Mademoiselle Louise.